Après tout ce qui se passe autour de nous, beaucoup se posent des questions. Les prophéties se réalisent, la fin c'est l'explication. Un jour apparaîtra non loin du Moyen-Orient celui qu'on appelle déjà l'Antéchrist, dégèle le charlatan. Il parlera au monde en prétendant qu'il est le Messie. Il sera entendu et par certains peuples sera suivi. Même s'il représente le mal, beaucoup ne le verront pas, car sur ceux qui lutteront contre lui, le mal leur s'abattra. Parmi les signes, il n'y aura plus beaucoup de vrais croyants. Les enfants insulteront, frapperont leurs parents. On considérera le mal, mal comme le bien, le bien comme le mal, le mal pour la fin. Hein. Oh humain, c'est la conscience de l'humanité qui vous parle. Avez-vous oublié que ce n'est pas le temps qui passe, mais plutôt vous qui le traversez? Oh humain, pour la dernière fois, avez-vous oublié que la fin du monde est proche? C'est alors qu'un peuple barbare déferlera sur la terre, piétinant, tuant, laissant des souvenirs amers. Après avoir fait leur carnage, Dieu les détruira. Les derniers gens du bien seront autour du prophète Aïssa, qui auparavant aura déjà démasqué l'imposteur. Tous ces événements nous avertiront, ce sera l'heure. Alors coulera, tombera une pluie diluvienne. N'épargne rien, les gens attendront que le terme vienne. Pleine, la terre enfantera ses derniers fruits. Un millier de croyants se nourriront d'une seule femelle de chameau cuit. Dernier moment où amour et partage se mêlent, comme Jésus, ses apôtres dans la Sainte Seine. À ce moment-là, Dieu lâchera un vent bénéfique. Pour ses croyants, ce sera une mort magnifique. Oh humain, souvenez-vous des peuples qui vous ont précédé. Souvenez-vous de leurs actes et de leurs péchés. Oh humain, pour la dernière fois, souvenez-vous que la fin du monde est proche. Restera sur la terre que les mécréants qui copuleront, s'accoupleront comme des ânes, n'acceptant pas le bien et ne reniant pas le mal, ayant perdu les rudiments de bonté d'antan. Mais dans un endroit connu, seul de Dieu se tient immobile celui qui a été créé pour achever, parachever. Mais dans le bas monde régnera la débauche. L'homme rabaissé déjà sa moche, plus c'est moche, convaincu lui qu'il n'a pas loupé le coche. Comme dans ces jeux stupides où tu perds quand tu coches, c'est alors que le diable prendra apparence humaine. Pour lui cette situation sera une aubaine, car c'est le rêve qu'il avait fait après sa création, celui de devenir un véritable objet d'adoration. Azrafil prend la trompe, souffle, c'est la fin du monde. Oh humain, c'est la conscience de l'humanité qui vous parle. Avez-vous oublié que ce n'est pas le temps qui passe,